Chapitre 7. Hier soir, je me suis couché à 5 heures, en plein jour, oubliant la clé sur la porte. Vers minuit, comme je voyais en rêve une enfant blonde me tendre les bras, un bruit que j'ai entendu dans mon sommeil m'a fait soudain ouvrir les yeux. Ma lampe était allumée. Une femme, debout au pied du lit, me regardait dormir. Elle tournait le dos à la lumière, et j'ai cru, dans le vague du réveil, que Dieu prenait pitié de moi en réalisant un de mes songes. La femme s'est approchée. J'ai reconnu Laurence. Laurence tête nue, ayant sa belle robe de soie bleue. Cette robe de bal montrait ses épaules nues et violettes de froid. Laurence est venue m'embrasser. « Mon ami, m'a-t-elle dit, je dois 40 francs au propriétaire. Il vient de me refuser la clé de ma porte, disant que je n'aurais pas de peine à trouver un lit. Il était trop tard pour chercher ailleurs. J'ai songé à toi. » Elle s'est assise pour délacer ses bottines. Je ne comprenais pas, je ne voulais pas comprendre. Il me semblait que cette fille s'était introduite chez moi dans une mauvaise intention. Cette lampe allumée, je ne savais comment, cette femme presque nue au milieu de cette chambre glacée m'effrayait. J'étais tentée de crier au secours. « Nous vivrons comme tu voudras, » a continué Laurence. « Va, je ne suis pas embarrassante. » Je me suis dressée pour m'éveiller complètement. Je commençais à comprendre, et ce que je comprenais était horrible. J'ai retenu une parole grossière qui me montait aux lèvres. L'injure me répugne, et je souffre la honte de ce que j'insulte. « Madame, » ai-je dit simplement, « je suis pauvre. » Laurence a éclaté de rire. « Tu m'appelles madame ? » a-t-elle repris. « Es-tu fâchée ? Que t'ai-je fait ? Pauvre, je l'avais deviné, tu me respectais trop pour être riche. Eh bien, nous serons pauvres. Je ne pourrais vous donner ni chiffon ni fin repas. Crois-tu qu'on m'en ait souvent donné ? Les hommes ne sont pas si bons pour les pauvres filles. Nous ne roulons en équipage que dans les romans. Pour une qui trouve une robe, 10 meurent de faim. Je faisais 2 petits repas, nous ne pourrons plus en faire qu'un. Du pain séché pour en manger moins, et de l'eau claire. Tu veux m'effrayer. N'as-tu pas quelque père, ici ou ailleurs, qui t'envoie des livres et des vêtements que tu vends ensuite? Nous mangerons ton pain dur, et nous irons au bal boire du champagne. Non, je suis seule, je travaille pour vivre. Je ne saurais vous associer à ma misère. Laurence, les jambes croisées, ne délaçait plus ses bottines. Elle songeait. « Écoute, » a-t-elle ajouté brusquement, « je suis sans pain et sans asile. Tu es jeune, tu ne peux comprendre quelle est notre éternelle détresse, même dans le luxe et la gaieté. La rue est notre seul domicile. Ailleurs, nous ne sommes pas chez nous. On nous montre la porte et nous sortons. Veux-tu que je sorte ? Tu as le droit de me chasser. Et moi, la ressource d'aller coucher sous les ponts. Je ne veux pas vous chasser. Je vous dis seulement que vous avez mal choisi votre gîte. Vous ne pourrez vous accommoder de ma tristesse ni de mon désert. Choisir ? Ah, tu crois qu'il nous est permis de choisir ? Tiens, fâche-toi. Mais je suis entrée ici parce que je ne savais où aller. J'étais montée furtivement pour passer la nuit sur une marche. Je me suis appuyée à ta porte. Et c'est alors que j'ai songé à toi. Tu n'as pas de pain. Moi, je n'ai pas mangé depuis hier. Et mon sourire est si pâle qu'il ne me fera pas manger demain. Tu vois que je puis rester. J'aime autant mourir ici que dans la rue. Il y fait moins froid. Non, cherchez encore. Vous trouverez plus riche et plus gai que moi. Plus tard, vous me remercierez de ne vous avoir pas reçu. Laurence s'est levée. Son visage avait pris une indicible expression d'amertume et d'ironie. Son regard ne suppliait pas. Il était insolent et cynique. Elle a croisé les bras, m'a regardé en face. « Alors, m'a-t-elle dit, sois franc, tu ne veux pas de moi. Je suis trop laide, trop misérable, que sais-je. Je te déplais et tu me chasses. Tu ne peux payer la beauté et tu veux que ta maîtresse soit belle. J'étais sotte de ne pas songer à cela. J'aurais dû me dire que je ne valais pas même la misère et qu'il me fallait descendre un échelon. J'ai soif. Les ruisseaux sont faits pour boire. J'ai faim. Le vol peut me nourrir. Tiens, je te remercie de tes conseils. » Elle a renoué sa robe et s'est avancée vers la porte. « Sais-tu bien, » a-t-elle continué, « que nous, les infâmes, nous valons encore mieux que vous, les gens honnêtes. » Et elle a parlé longtemps d'une voix âpre. Je ne puis rendre la force brutale de son langage. Elle disait qu'elle se prêtait à nos caprices, qu'elle riait lorsque nous lui disions de rire et que nous tournions la tête plus tard lorsque nous la rencontrions. Qui nous forçait à ses baisers? Qui nous poussait le soir dans ses bras pour que nous lui rendions tant de mépris au grand jour? Moi qui avais bien voulu d'elle, pourquoi n'en voulais-je plus maintenant? Je n'avais donc pas songé qu'il est un monde où la femme qui s'oublie au bras d'un homme devient épouse? Parce qu'elle était souillée, j'avais pu la souiller encore impunément. Je n'avais pas même craint qu'elle vînt un soir me rappeler notre union. Elle n'existait plus pour moi, et peut-être l'avais-je rendue mère. Ainsi, nous avions pu nous lier sans garder rien de commun. Elle est restée un instant silencieuse, puis elle a repris avec plus d'énergie. « Eh bien, moi, je dis que tu mens. Je dis que nous sommes époux et que j'ai tous les droits de l'épouse. Tu ne peux faire que ce qui est ne soit pas. Tu as voulu cette union, et tu es un lâche de ne plus la vouloir. Tu es mien, je suis tienne. » Laurence avait ouvert la porte. Elle m'insultait, debout sur le seuil, pâle et sans colère dans la voix. J'ai sauté du lit, et je suis allée lui prendre le bras. « Allons, reste, je le veux, » lui ai-je dit. « Tu es glacée, couche-toi. » « Vous le dirai-je, frère ?» Je pleurais. Ce n'était pas pitié. Les larmes coulaient d'elles-mêmes sur mes joues, sans que je sentisse autre chose qu'une immense et vague tristesse. Les paroles de cette fille venaient de me frapper vivement. Son raisonnement, dont la force lui échappait sans doute, me paraissait juste et vrai. Je comprenais si profondément qu'elle avait droit à ma couche que je ne l'en aurais pas chassée sans croire blesser toute justice. Elle était femme encore, quoique souillée, et je ne pouvais en user comme d'un objet sans vie que le mépris et l'abandon n'atteignaient pas. En dehors de tout, je devais être pour elle ce que j'aurais été pour l'amante de mon rêve. La Vierge et la fille perdue peuvent également venir un soir d'hiver nous dire qu'elles ont froid, qu'elles ont faim, qu'elles ont besoin de nous. Nous accueillons l'une, nous chassons l'autre. C'est que nous avons la lâcheté de nos vices. C'est que nous serions effrayés d'avoir près de nous le souvenir et le remords vivant de notre souillure. Il nous plaît de vivre honorés, et lorsque nous rougissons à l'appel d'une maîtresse avilie, nous la renions pour expliquer notre rougeur par son impudence. Et nous faisons cela sans nous penser coupables, sans nous demander quelle justice demande cette fille. L'habitude a fait d'elle notre jouet. Nous nous étonnons que ce jouet parle et qu'il se dise femme. Moi, j'ai frémi devant la vérité. J'ai compris et j'ai pleuré. La question m'a paru simple, claire, évidente. Les paroles de Laurence m'effrayaient sans me révolter. Je n'avais jamais songé qu'elle pouvait venir, mais elle venait et je la recevais. Je ne saurais, frère, vous expliquer quels étaient mes sentiments. Mon esprit de 20 ans acceptait, dans leur sens absolu, ces mots qui n'admettaient aucune hésitation. Tu es mien, je suis tienne. Ce matin, lorsque je me suis éveillée et que j'ai trouvé Laurence à mon côté, j'ai senti mon cœur se serrer d'angoisse. La scène de la nuit s'était effacée. Je n'entendais plus ces vraies et rudes paroles qui m'avaient fait recevoir cette fille. Le fait brutal seul demeurait. Je l'ai regardée dormir. Je la voyais pour la première fois au jour, sans que son visage eût l'étrange beauté de la souffrance ou du désespoir. Quand elle m'est apparue ainsi, laide et vieillie, affaissée dans un lourd sommeil de brute, J'ai frémi devant cette face commune et fanée que je ne connaissais pas. Je n'ai pu comprendre comment il se faisait que je m'éveillais ayant une telle compagne. Je sortais comme d'un rêve, et la réalité se montrait si horrible que j'oubliais ce qui me l'avait fait accepter. Qu'importe d'ailleurs, que ce soit pitié, justice ou débauche, cette fille est ma maîtresse. Ah, frère, aurais-je assez de larmes? Et vous, aurez-vous assez de courage pour les sécher? Chapitre 8. Oui, je pense comme vous, je veux encore espérer. Je veux faire de cette union fatale une source de nobles aspirations. Autrefois, lorsque notre pensée s'arrêtait sur ces malheureuses filles, ce n'était qu'avec miséricorde et pitié. Nous rêvions la sainte tâche de la rédemption. Nous demandions à Dieu de nous envoyer une âme morte pour la lui rendre jeune et blanche de notre amour. La foi de nos 16 ans devait faire croire et s'incliner les pécheresses. Alors, nous étions Didier pardonnant à la Marion et l'avouant pour épouse au pied de l'échafaud. Nous grandissions la courtisane de la hauteur de nos tendresses. Eh bien, aujourd'hui, je puis être Didier. Marion est là, tout aussi impure que le jour où il lui pardonna. Sa robe dénouée de nouveau demande une main qui la referme. Son front pâli réclame un souffle pur qui lui rende la rougeur de sa jeunesse. Ce que nous souhaitions dans notre sainte folie, je l'ai trouvé, sans le chercher. Puisque Laurence est venue à moi, je veux, au lieu de me souiller à la flétrissure de son cœur, lui donner la virginité du mien. Je serai prêtre, je relèverai la femme tombée, et je pardonnerai. Qui sait, frère, c'est peut-être une suprême épreuve que Dieu m'envoie. Peut-être veut-il, en me chargeant d'une âme, connaître toute la puissance de la mienne. Il me réserve la tâche d'effort et ne craint pas de m'unir au vice. Je vais être digne de son choix. Chapitre 9. Je désire faire oublier à Laurence ce qu'elle est. La tromper sur elle-même par l'amitié sérieuse que je lui témoigne. Je ne lui parle qu'avec douceur, mes paroles sont toujours graves et décentes. Lorsque quelques gros mots lui échappent, je feins de ne pas les entendre. Si son fichu s'écarte, je n'en vois rien, et la traite plutôt en sœur qu'en amante. J'oppose à sa vie bruyante d'hier une vie calme et réfléchie. Je semble ignorer que cette existence n'est pas la sienne. Je m'étends de naturel à la lui imposer, qu'elle finira par douter du passé. Hier, dans la rue, un homme l'a insultée. Elle allait répondre quelque injure. Je ne lui en ai pas laissé le temps. Je me suis approchée de l'homme, qui était ivre, et je l'ai prise au poignet, lui commandant de respecter ma femme. « Votre femme !» m'a-t-il dit en raillant. « On les connaît, ces femmes-là » Alors, je l'ai secoué violemment, répétant mon ordre avec plus de hauteur. Il a balbutié et s'en est allé demandant excuse. Laurence a repris mon bras, silencieuse et comme confuse du titre d'épouse que je réclamais pour elle. Je sens bien que trop d'austérité nuirait. Je n'ai pas l'espoir d'un brusque retour au bien. Je voudrais ménager une habile gradation qui empêcha ses pauvres yeux malades d'être blessés par la lumière. Là est toute la difficulté de la tâche. J'ai remarqué que ces filles, femmes avant l'âge, gardent longtemps l'insouciance et la puérilité de l'enfant. Elles sont blasées et joueraient volontiers encore à la poupée. Un rien les amuse, les fait rire aux éclats. Elles retrouvent, sans y songer, l'étonnement et le caressant babil des petites filles de 5 ans. Je me sers de cette observation. Je donne des chiffons à Laurence, ce qui nous rend grands amis pendant 1 heure. Vous ne sauriez croire l'émotion profonde que fait naître en moi cette éducation. Lorsque je crois avoir fait battre ce cœur mort, je suis tentée de m'agenouiller et de remercier Dieu. Sans doute, je m'exagère la sainteté de ma mission. Je me dis que l'amour d'une vierge me sanctifierait moins que l'amour dont cette fille m'aimera peut-être un jour. Ce jour est loin encore. Ma compagne est embarrassée de mon respect. Elle, que l'insulte trouve sans honte, rougit lorsque je lui adresse une bonne parole. Parfois, je la vois hésiter à me répondre, cherchant si c'est bien à elle que je parle. Elle s'étonne de n'être pas injuriée et semble mal à l'aise de mes délicates attentions. Ce masque d'honnête fille que je la force à prendre la gêne. Elle ne sait comment porter l'estime. Souvent, je surprends un sourire sur ses lèvres. Elle doit croire que je me moque d'elle et me demande par ce sourire de vouloir bien cesser cette plaisanterie. Le soir, au coucher, elle éteint la bougie avant de se délasser. Elle attire à elle les coins des couvertures et profite de mon sommeil pour sauter du lit le matin. Lorsqu'elle cause, elle cherche les mots. À mon exemple, elle évite parfois de me tutoyer. Je ne sais pourquoi ces précautions m'inquiètent. Je vois là plus de contraintes que de vraie chasteté. Je sens qu'elle agit ainsi par crainte de me déplaire, mais que pour elle, il lui serait indifférent de se mettre nue et de parler la langue des Halles. Elle ne peut avoir eu aussi vite conscience de la pudeur. Vous le dirai-je, frère, Laurence a peur de moi. Tel est le résultat d'une semaine de respect. À peine levée, elle fait grande toilette. Elle court au miroir et s'y oublie pendant une heure. Elle a hâte de réparer le désordre de la nuit. Ses cheveux, plus rares, retombent, montrant des places nues. Ses joues, dont le fard s'est effacé, sont pâles et flétries. Elle sent qu'elle n'a plus sa jeunesse d'emprunt et s'inquiète de mes regards. La pauvre fille, qui a vécu de sa fraîcheur, craint que je ne la chasse le jour où je verrai qu'elle ne l'a plus. Elle se peigne laborieusement, gonflant ses boucles et dissimulant avec habileté celles qui manquent. Elle se noircit les cils, blanchit ses épaules, rougit ses lèvres. Moi, pendant ce temps, je tourne le dos, feignant de ne rien voir. Puis, lorsqu'elle s'est peint la face et qu'elle se juge jeune et belle, elle vient à moi, souriante. Elle est plus calme, la pensée qu'elle gagne justement son pain lui rend sa liberté d'allure. Elle s'offre complaisamment. Elle oublie que je ne puis m'abuser sur ses belles couleurs et paraît croire qu'il doit me suffire de les lui voir pendant une matinée. Je lui ai fait entendre que je préférais de l'eau claire aux pommades et aux cosmétiques. J'ai même ajouté que j'aimais mieux ses rides précoces que ce visage gras et luisant dont elle se masque chaque jour. Elle n'a pas compris. Elle a rougi, croyant que je lui reprochais sa laideur. Et depuis lors, elle s'efforce davantage de n'être pas elle. Ainsi peignée et fardée, serrée dans sa robe de soie bleue, elle se traîne de siège en siège, nonchalante et ennuyée. N'osant remuer, par crainte de déranger un pli de sa jupe, elle demeure assise le restant du jour. Elle croise les mains et s'endort, les yeux ouverts, dans une sorte de somnolence. Parfois, elle se lève, s'approche de la fenêtre. Là, elle appuie le front aux vitres glacées et se reprend à sommeiller. Je l'ai vue active avant qu'elle ne fût ma compagne. La vie agitée qu'elle menait alors lui donnait une ardeur fébrile. Sa paresse était bruyante et acceptait avec joie la rude tâche du vice. Aujourd'hui, vivant de mon existence calme et studieuse, elle a toute l'oisiveté de la paix, sans en avoir le travail doux et régulier. Je devrais, avant tout, la guérir de sa nonchalance et de son ennui. Je vois bien qu'elle regrette les émotions poignantes de la borne, mais elle est d'une nature si peu énergique qu'elle n'ose les regretter tout haut. Je vous l'ai dit, frère, elle a peur de moi. Non pas peur de ma colère, mais peur de l'être inconnu qu'elle ne peut comprendre. Elle saisit vaguement mes désirs et s'y plie, ignorante de leur véritable sens. C'est ainsi qu'elle se couvre sans être chaste, qu'elle demeure sérieuse et tranquille, sans cesser d'être oisive et paresseuse. C'est ainsi encore qu'elle pense ne pouvoir refuser mon estime, s'étonnant parfois, mais ne cherchant jamais à en être digne. Chapitre 10. Je souffrais de voir Laurence affaissée et languissante. J'ai pensé que le travail était le grand rédempteur et que la joie calme de la tâche accomplie lui ferait oublier le passé. Tandis que l'aiguille court lestement, le cœur s'éveille. L'activité des doigts donne à la rêverie une vivacité plus gaie et plus pure. La femme, penchée sur un métier, a je ne sais quel parfum de pudeur. Elle est là, tranquille et se hâtant. Hier, peut-être fille perdue dans une heure de paresse, l'ouvrière d'aujourd'hui a retrouvé l'active sérénité de la Vierge. Parlez à son cœur, il vous répondra. Laurence m'a dit être lingère. J'ai désiré qu'elle restât auprès de moi, loin des ateliers. Il m'a semblé que ces heures paisibles passées ensemble, moi me contant quelque histoire, elle mêlant son rêve au fil de la broderie, nous unirait d'une amitié plus douce et plus profonde. Elle a accepté cette idée de travail comme elle accepte chacun de mes désirs, avec une obéissance passive, singulier mélange d'indifférence et de résignation. Après quelques recherches, j'ai découvert une vieille dame qui a bien voulu lui confier un peu d'ouvrage pour juger de son habileté. Elle a veillé jusqu'à minuit, car je devais reporter cet ouvrage le lendemain matin. Je me suis couché avant elle et je l'ai regardée. Elle paraissait dormir, son morne accablement ne l'avait pas quittée. L'aiguille, courant, froide et régulière, me disait que le corps seul travaillait. La vieille dame a trouvé la mousseline mal brodée. Elle m'a déclaré que c'était là le travail d'une mauvaise ouvrière, et que je ne trouverais personne qui se contentât de ses grands points et de ce peu de grâce. J'avais craint ce qui arrivait. La pauvre fille, ayant eu des bijoux à 15 ans, ne pouvait en savoir long. Heureusement, quant à moi, je cherchais dans son travail la lente guérison de son cœur, et non l'habileté de ses doigts, ni le gain de ses veilles. Pour ne pas la rendre à l'oisiveté en lui imposant moi-même une tâche, j'ai résolu de lui cacher le refus décourageant de la vieille dame. J'ai acheté une bande de broderie, et je suis rentrée, lui disant que son ouvrage était accepté, et qu'on lui en confiait d'autres. Puis je lui ai remis les quelques sous qui me restaient, comme salaire de sa première veille. Je savais que le lendemain, peut-être, je ne pourrais agir ainsi, et je le regrettais. J'aurais désiré lui faire aimer la saveur du pain gagné honnêtement. Laurence a pris l'argent, sans s'inquiéter du repas du soir. Elle a couru faire emplette d'une rangée de boutons en velours pour sa robe bleue, qui se déchire et se tache déjà. Jamais je ne l'avais vue aussi active. Un quart d'heure lui a suffi pour coudre ses boutons. Elle a fait grande toilette, puis s'est admirée. La nuit est venue, et elle venait encore par la chambre, regardant sa nouvelle parure. Comme j'allumais la lampe, je lui ai dit doucement de se mettre au travail. Elle a semblé ne pas m'entendre. Je lui ai répété mes paroles, et alors elle s'est assise brusquement, saisissant la broderie avec colère. Mon cœur s'est brisé. « Laurence, lui ai-je dit, je ne veux pas que tu travailles par contrainte. Laisse-la à l'aiguille, s'il te plaît, de ne rien faire. Je ne me sens pas le droit de t'imposer une tâche. Tu es libre d'être bonne ou mauvaise. »« Non, non, m'a-t-elle répondu, tu désires que je travaille beaucoup. Je comprends qu'il me faut te payer ma nourriture et ma part de loyer. Je pourrais même payer pour toi, en veillant plus tard. » « Laurence, ai-je crié douloureusement, va, pauvre fille, sois heureuse, tu ne toucheras plus une aiguille, donne-moi cette broderie. » Et j'ai jeté la mousseline au feu. Je l'ai regardée brûler, regrettant ma vivacité. Je n'avais pas été maître de mon angoisse, et je me désolais de sentir Laurence m'échapper de nouveau. Je venais de la rendre à la paresse, Je frémissais à cette pensée outrageante de gain. Je comprenais qu'il ne m'était plus possible de lui conseiller le travail. Ainsi, c'en était fait. Une parole avait suffi pour que je lui défendisse moi-même la rédemption. Laurence n'a pas semblé surprise de mon brusque mouvement. Je vous l'ai dit, elle accepte plus aisément la colère que l'affection. Elle a même souri de vaincre ce qu'elle appelle mon ennui. Puis elle a croisé les mains, heureuse de son oisiveté. Triste, remuant les cendres chaudes, j'ai songé par quelle parole, par quel sentiment éveiller cette âme. Je me suis effrayée de n'avoir pu lui rendre encore la fraîcheur de sa jeunesse. Je l'aurais voulu ignorante, avide de connaître. Je désespérais de cette indifférence morne, de cette nuit contente de son ombre, et si épaisse qu'elle se refusait au jour. Vainement je frappais au cœur de Laurence, rien ne répondait. C'était à croire que la mort avait passé là, et qu'elle avait desséché chaque fibre. Un seul frémissement, je l'aurais cru sauvée. Mais que faire de ce néant, de cette créature désolée, marbre insensible que l'affection ne pouvait animer? Les statues m'épouvantent, elles me regardent sans me voir, m'écoutent sans m'entendre. Puis je me dis que la faute était peut-être à moi, si je ne pouvais me faire comprendre. Didier aimait la Marion. Il ne cherchait point à sauver une âme, il aimait simplement, et il fit ce miracle que ma raison et ma bonté cherchaient en vain à accomplir. Un cœur ne s'éveille qu'à la voix d'un cœur. L'amour est le saint baptême qui, de lui-même, sans la foi, sans la science du bien, remet tous les péchés. Moi, je n'aime pas Laurence. Cette fille, froide et ennuyée, ne me cause que dégoût. Sa voix, son geste, me semblent des insultes. Sa personne entière me blesse. Privée de toute délicatesse d'esprit, elle rend odieuse la meilleure parole et met un outrage dans chacun de ses sourires. En elle, tout devient mauvais. J'ai voulu feindre la tendresse et je me suis approchée. Elle est restée immobile, penchée vers le foyer, m'abandonnant ses mains froides et inertes. Alors je l'ai attirée près de moi. Elle a levé la tête, me questionnant du regard. Sous ce regard, j'ai reculé en la repoussant. « Que veux-tu donc ? » m'a-t-elle dit. « Ce que je voulais. » Mes lèvres se sont ouvertes pour lui crier. « Je veux que tu laisses là ce corsage de soie qui s'ouvre au premier désir qui l'effleure. Je veux que tu aimes, que tu sentes dans le baiser d'un amant la caresse d'un frère. Je veux que notre union ne soit pas un marché, que tu ne me vendes pas ton corps pour acheter l'abri de mon toit. Comprends-moi par pitié, ne m'insulte pas. » Frère, j'ai gardé le silence. Si je l'avais aimée, j'aurais sans doute parlé. Peut-être m'aurait-elle compris. Chapitre 11. J'ai cru manquer d'habileté et de prudence. Je me suis hâtée, j'ai passé outre, sans demander à Laurence si elle me comprenait. Moi, qui ignore la vie, comment puis-je en enseigner la science? Que saurais-je mettre en œuvre, si ce n'est des systèmes, des règles de conduite rêvées à 16 ans, belles en théorie, absurdes en pratique? Me suffit-il d'aimer le bien, de tendre vers un idéal de vertu, vagues aspirations dont le but lui-même est indéterminé? Lorsque la réalité est là, je sais combien ces désirs se formulent peu, combien je suis impuissant dans la lutte qu'elle m'offre. Je ne saurais l'étreindre ni la vaincre, ignorant de quelle façon la saisir et ne pouvant même m'avouer quelle victoire je demande. Une voix crie en moi que je ne veux pas de la vérité. Je ne désire point la changer, la rendre bonne de mauvaise qu'elle me paraît. Que le monde qui existe demeure. J'ose vouloir créer une nouvelle terre sans me servir des débris de l'ancienne. Alors, n'ayant plus de base, l'échafaudage de mes songes croule aux moindres heures. Je ne suis plus qu'un inutile penseur, amant platonique du bien, que bercent de vaines rêveries, et dont la puissance s'évanouit dès qu'il touche la terre. Frère, il me serait plus facile de donner des ailes à Laurence que de lui donner un cœur de femme. Nous sommes de grands enfants. Nous ne savons que faire de cette sublime réalité qui nous vient de Dieu et que nous gâtons à plaisir par nos rêves. Nous sommes si maladroits à vivre que la vie en devient mauvaise. Sachons vivre, le mal disparaîtra. Si je possédais le grand art du réel, si j'avais conscience d'un paradis humain, si je pouvais distinguer la chimère du possible, je parlerais. Laurence m'entendrait. Je saurais que reprendre en elle et que lui proposer en exemple. Science délicate qui me ferait pénétrer les causes de sa chute et trouver un remède à chaque plaie de son cœur. Mais que faire lorsque mon ignorance dresse une barrière entre elle et moi? Je suis le rêve, elle est la réalité. Nous marcherons côte à côte sans jamais nous rencontrer, et notre course finie, elle ne m'aura pas entendue, je ne l'aurai pas comprise. J'ai pensé devoir revenir sur mes pas pour prendre Laurence telle qu'elle est et lui faire parcourir la route que ses pieds humains lui permettent. J'ai voulu étudier la vie avec elle, descendre pour tâcher de remonter ensemble. Puisqu'il me fallait tâtonner dans ce rude labeur, c'est du dernier degré que j'ai désiré partir. Ne serait-ce pas une assez grande récompense si je l'amenais à me donner tout l'amour dont elle est capable? Frère, je crains bien que nos rêves ne soient pas seulement des mensonges. Je les sens petits et puérils en face d'une réalité dont j'ai vaguement conscience. Il est des jours où, plus loin que les rayons et les parfums, plus loin que ces visions indécises que je ne puis posséder, j'entrevois les contours hardis de ce qui est. Et je comprends que là est la vie, l'action, la vérité. Tandis que, dans le milieu que je me crée, s'agite un peuple étranger à l'homme, ombre vaine dont les yeux ne me voient pas, dont les lèvres ne sauraient me parler. L'enfant peut se plaire à ses amis froids et muets. Ayant peur de la vie, il se réfugie dans ce qu'il ne vit pas. Mais nous, hommes, nous ne devons point nous contenter de cet éternel néant. Nos bras sont faits pour étreindre. Hier, comme j'étais sortie avec Laurence, nous avons rencontré une troupe de gens masqués, entassés dans une voiture et se rendant au bal, ivres, échevelés, à grand tapage. Voici janvier, le mois terrible. La pauvre fille s'est émue aux cris de ses frères. Elle leur a souri et s'est tournée pour les voir plus longtemps. C'était sa gaieté de la veille qui passait, ses insouciances, sa vie folle et si âcre qu'on ne peut en oublier les cuisantes joies. Elle est rentrée plus triste et s'est couchée, malade de silence et de solitude. Ce matin, j'ai vendu quelques hardes. Je suis allée louer un costume pour Laurence. Je lui ai annoncé que nous irions au bal le soir même. Elle m'a sauté au cou, puis elle s'est emparée du costume et m'a oubliée. Elle a contemplé chaque ruban, chaque paillette. Impatiente de se parer, elle a jeté sur ses épaules ses lambeaux de satin, s'enivrant du frémissement de l'étoffe. Parfois, elle se tournait, me remerciant d'un sourire. J'ai compris qu'elle ne m'avait jamais tant aimé et j'ai failli lui arracher des mains ces chiffons qui me valaient l'estime que toute ma bonté n'avait pu m'attirer. Enfin, je me faisais entendre. Je cessais d'être pour elle un être inconnu, effrayant d'austérité et d'ennui. J'allais au bal, comme les autres amants. Comme eux, je louais des costumes, j'égayais mes maîtresses. J'étais un charmant garçon, aimant ainsi que tout le monde, les épaules nues, les cris et les jurons. Ah, quelle joie! Ma sagesse mentait. Laurence s'est sentie en pays de connaissance. Elle n'a plus eu peur, elle a repris sa liberté d'allure, éclaté de rire à pleine bouche. Ses paroles grossières, ses gestes libres la pénétraient de bien-être. Elle était à l'aise dans sa nudité. Je l'avais voulu, mais j'avais espéré qu'un mois de tranquillité, sans faire d'elle une honnête fille, l'aurait amenée à oublier un peu la fille d'hier. J'avais cru que, lorsque tomberait le masque, la face qui se montrerait alors aurait moins d'affaissement dans les lèvres et plus de rougeur au front. Non, j'avais devant moi les mêmes traits flétris, le même rire épais et bruyant. Telle cette femme était entrée dans ma mansarde, vendant son corps pour un abri, telle je la retrouvais, après avoir pendant un mois protesté chaque jour contre l'infamie de ce marché. Elle n'avait rien appris, rien oublié. Et si ses regards brillaient d'une expression nouvelle, c'était de la misérable joie de voir que je semblais enfin accepter son corps en paiement. Devant cet étrange résultat, je me suis demandé si ce n'était pas raillerie que de tenter de nouveau. J'avais voulu une Laurence réelle, et cette Laurence, où courait un souffle de vie, m'effrayait davantage peut-être que la morne créature de la veille. Mais la lutte promettait d'être si âpre que j'entendais, tout au fond de moi, mon audace de 20 ans se révolter de ma répugnance et de mon effroi. Comme sonnait 6 heures, bien que le bal ne s'ouvrît qu'à minuit, Laurence s'est mise à sa toilette. La chambre n'a bientôt plus été que désordre. L'eau, rejaillissant de la cuvette et s'égouttant des linges mouillés, inondait le carreau. La mousse du savon, tombée des mains, s'élargissait sur le sol en plaques blanchâtres. Le peigne était à terre, près de la brosse, et les vêtements, oubliés sur les chaises, sur la cheminée, dans les coins, trempaient au milieu des flaques. Laurence, pour être plus à l'aise, s'était accroupie. Elle s'est lavée énergiquement, se jetant à pleines mains l'eau à la face et aux épaules. Le savon, souillé de poussière, lui laissait, malgré ce déluge, de larges taches sur la peau. Alors elle s'est désespérée et m'a appelée à son secours. « Son dos était tout noir, disait-elle. Elle ne pouvait y atteindre. » Puis elle s'est levée, grelottante, les épaules rouges, et m'a donné la serviette. La clé était restée sur la porte. Comme je posais le linge glacé sur la nuque de Laurence, Paquerette est entrée. Paquerette est entrée. Cette vieille femme vient ainsi parfois en quête de quelques tisons, et la pitié m'empêche de la chasser de dégoût. « Ah, ma bonne !» lui a crié ma compagne. « Viens donc m'aider un peu. Claude a peur de me faire mal. » Paquerette a pris le linge et s'est mise à frotter de toute la force de ses bras maigres. Elle ne paraissait pas étonnée de ce désordre, ni de cette femme nue. Elle promenait complaisamment ses mains roidies sur ses épaules fraîches encore, enviant leur blancheur, songeant au plaisir d'autrefois. Laurence, la tête tournée à demi, lui souriait et frémissait par secousses, haletante, au contact subi d'une eau plus froide. « Où vas-tu donc, ma fille ?» a demandé l'horrible petite vieille. « Claude me conduit au bal. »« Ah, c'est bien cela, monsieur !» a repris Paquerette, s'arrêtant et se retournant vers moi. Puis, prenant un linge sec, elle a continué, tout en essuyant Laurence avec amour. « Je songeais ce matin que vous deviez mourir de tristesse à rester ainsi toujours enfermée dans cette chambre. C'est une bonne enfant que vous avez là, monsieur. J'en sais plus d'une qui vous aurait quitté 20 fois. Ah, ma fille, te voilà belle. Tu auras bien des galants cette nuit. Êtes-vous jaloux ?» Je n'ai pu répondre. Je souriais machinalement, suivant du regard cette scène étrange. Une même pensée qui revenait sans cesse à mon esprit m'empêchait d'entendre. C'était celle d'une vieille gravure que j'avais vue je ne savais où, représentant Vénus à sa toilette, baignée par des nymphes, caressée par de petits amours. La déesse s'abandonne aux bras de ses femmes, jeunes et belles comme elle. L'écume des vagues voile seule leur voluptueuse nudité. Et sur la rive, un vieux faune, devant tant de jeunesse et de fraîcheur, oublie ses désirs dans une muette admiration. Il est jaloux, il est jaloux, a répété Pâquerette avec un rire aigu coupé de hoquet. Tant mieux pour toi, ma fille, il te fera plus de cadeaux, et tu le tromperas plus aisément. J'ai eu jadis un amant qui vous ressemblait fort, monsieur, un peu plus petit, je crois, mais les mêmes yeux, la même bouche, jusqu'aux cheveux qu'il portait, ainsi que vous, rejetés en arrière. Il m'adorait, m'accablait de caresses, me suivait partout, ce qui fit que je le quittai au bout de 8 jours. Tandis qu'elle bavardait, Laurence s'était couverte. Elle s'est peignée, debout devant la glace, sérieuse et recueillie. La vieille, droite auprès d'elle, a cessé de parler, contemplant avec dévotion les paquets de fards et les fioles d'huile aromatique, parfumerie grossière, achetées à bas prix aux étalages en plein vent. Ces femmes m'oubliant, je me suis assis dans un coin. La glace me renvoyait leurs images. Ces deux faces, malgré les rides de l'une et la fraîcheur relative de l'autre, me semblaient sœurs dans leur commune expression d'avilissement. Même regard troublé par les nuits ardentes, même lèvres déformées sous de brutales caresses. À peine lisait-on sur leurs joues flétries le nombre d'années qui séparaient leur âge. Toutes deux étaient également vieilles de débauche. Un instant, je me suis cru l'amant de Pâquerette, et j'ai fermé les yeux. Elles m'oubliaient. Par moments, elles échangeaient une parole à demi-voix. Laurence jurait, frappant du pied, lorsque quelques cheveux rebelles refusaient de se boucler. Alors, la petite vieille parlait de ses blondes tresses d'autrefois. Elle décrivait la coiffure des filles de son temps, et pour se mieux faire entendre, disposait à son tour ses cheveux gris devant le miroir. Puis c'était de longues louanges sur la jeunesse de ma compagne, des doléances sans fin sur les ennuis du vieil âge. Les rides étaient venues avant la lassitude du corps. De là, le grand regret de n'avoir pas épuisé la vie à 20 ans. Aujourd'hui, il fallait vivre sans se hâter, dans le silence et l'ombre, ayant au cœur une admiration jalouse pour celle qui pouvait encore vieillir. Laurence écoutait, répondant par des questions, demandant si telle boucle lui essayait, quêtant de nouveaux éloges. Puis, lorsque les cheveux, longtemps travaillés, se sont trouvés épaissis à souhait, il s'est agi de peindre la face. Alors, Pâquerette a voulu mettre la main au chef-d'œuvre. Elle a pris du rouge et du bleu sur de petits tampons de ouate et les a légèrement promenés le long des joues, autour des yeux de la jeune femme. Elle a agrandi les paupières, purifié le front, donné la santé aux lèvres. Et, comme nous, pauvres rêveurs qui plâtrons la réalité de couleurs discordantes et qui crions ensuite à la création, elle s'est émerveillée de son ouvrage, sans voir que, par instant, sa main tremblante brouillait les traits, exagérait la pourpre de la bouche et la grandeur des paupières. Sous ses doigts, ce visage a changé horriblement pour moi. Il a pris par endroits des teintes mates et terreuses, tandis que d'autres parties luisaient, frottées d'onguents mis pour fixer le fard. La peau tendue et irritée grimaçait. La face entière, à la fois vermeille et flétrie, avait le sourire niais des poupées de carton. Les tons en étaient si criards et si faux qu'ils blessaient la vue. Laurence, droite et immobile, le regard demi-tourné vers le miroir, s'est laissée complaisamment rajeunir. Elle effaçait de l'ongle les traits trop accusés. Sérieuse, se penchant, elle étudiait quelques secondes chacune des beautés que Pâquerette lui donnait. L'œuvre terminée, celle-ci s'est reculée de quelques pas pour mieux juger. Puis, satisfaite, elle s'est écriée « Ah, ma fille, tu n'as plus que 15 ans !» Laurence lui a souri. Toutes deux étaient de bonne foi. Elles admiraient franchement, ne doutant point du miracle opéré. Alors, elles se sont souvenues de moi. La jeune femme, fière de ses 15 ans, est venue m'embrasser, voulant me donner la virginité de sa jeunesse d'une nuit. Ses épaules découvertes avaient cette odeur fraîche et fade d'une personne qui sort du bain. Au contact de ses lèvres, froides, humides de fard, j'ai frissonné de dégoût. « Songe à moi, ma fille !» a dit Paquerette en se retirant. « Les vieilles femmes aiment les sucreries !» Restés seuls, nous avons dû attendre 2 grandes heures. Je n'ai pas souvenance d'un ennui aussi profond. Cette attente d'un plaisir qui me répugnait avait je ne sais quoi de douloureux, et les impatiences de Laurence retardaient encore pour moi la marche lente des minutes. Elle s'était assise sur le lit, dans son costume de satin rose pailleté d'or. Ce clinquant jurait le plus étrangement du monde, se détachant sur le papier enfumé de la chambre. La lampe se mourait, le silence n'était interrompu que par le bruit de la pluie frappant les vitres. « Frère, j'ignore si j'ai tout au fond de moi quelques sentiments honteux. Je veux le dire à vous qui devez connaître mon être entier. En face de cette femme, abandonnée de mes chères pensées de chaque jour, je me suis prise à souhaiter Laurence jeune et belle. J'ai désiré pouvoir changer cette mansarde en mystérieuse retraite, disposée pour ce que la volupté a de plus âpre. Et alors, j'aurais contenté les rêves de mes mauvaises heures. Ce qui me répugnait, ce n'était plus le vice, mais la laideur et la misère. Enfin, je suis allé chercher une voiture et nous sommes partis. Malgré l'heure avancée, les rues étaient encore pleines de bruits et de lumières. Il y avait des éclats de rire au coin de chaque borne, des groupes d'ivrognes et de filles dans chaque cabaret. Rien n'était plus odieux à voir que ce peuple courant dans la boue, se coudoyant au refrain de chansons obscènes. Laurence, penchée à la portière, riait en bonne fille de cette joie grossière. Elle interpellait les passants, cherchant l'injure, heureuse de pouvoir engager cette guerre de gros mots que se font les masques entre eux. Comme je restais muet, « Eh bien, que fais-tu là » m'a-t-elle dit. « Est-ce pour dormir que tu me conduis au bal ?» Je me suis penchée à mon tour, j'ai cherché quelqu'un à insulter. J'aurais volontiers levé le poing sur une de ces brutes qu'amusait un pareil spectacle. En face de moi, sur le trottoir, se tenait un grand jeune homme débraillé. Un cercle de rieurs l'entourait, applaudissant à chacun de ses jurons. J'étais exaspérée. Je l'ai menacé du geste, je lui ai jeté au passage ce que j'ai pu trouver de plus offensant. « Et ta femme » a-t-il crié. « Mets-la donc un peu par terre, qu'on puisse y toucher. » La tranquille grossièreté de cet homme a changé ma colère en une inexprimable tristesse. J'ai haussé la glace et j'ai appuyé mon front contre cette vitre humide, laissant Laurence à son triste plaisir. J'étais comme bercée par les cris de la foule et par le roulement sourd de la voiture. Je voyais, de cette vue indécise du rêve, les passants fuir derrière moi, ombres bizarres qui grandissaient et s'évanouissaient sans présenter aucun sens à mon esprit. Et dans ce bruit, dans cette brusque succession d'ombres et de clartés, je me souviens d'avoir tout oublié, un instant, à regarder entre les pavés, les flaques d'eau et de boue, où les lampes des boutiques jetaient de rapides reflets. C'est ainsi que nous sommes arrivés à la salle de bal. « À demain, frère, je ne puis tout dire en un jour. »